Guitarique, il ferait mieux de rester pour les guitares, hein, parce que quand on rentre dans les claviers, c'est à chier. En processeur, ah, d'accord, ça.